Bonjour, pour vous poser deux, trois petites questions, c'est pour la radio turque. Oui. Alors, quel âge avez-vous? J'ai 17 ans. Et pourquoi vous êtes venu là aujourd'hui soutenir ce mouvement de grève pour le climat? Parce que je pense qu'on ne prend pas assez de mesures aujourd'hui au niveau politique pour pouvoir réussir à sauver la planète. Très bien. Et vous êtes venu ici par votre propre initiative ou vous êtes venu avec votre école ou avec des amis? Non, je suis venue ici de ma propre initiative. Très bien. Et qu'est-ce que vous pensez du mouvement? Que c'est un succès ou qu'il n'y a pas assez de monde? Pour l'instant, je trouve qu'il y a quand même pas mal de monde qui se manifeste pour le climat et il y en a quand même, ouais, il y en a vachement en fait. Très bien. Et est-ce que vous allez continuer à venir aux manifestations, faire des grèves et faire des venir au rassemblement pour essayer de faire changer les choses? Bah, j'espère que j'irai plus dans pas très longtemps. J'espère que les politiques pourront agir pour le climat. Très bien. Voilà. Bah, merci beaucoup et bonne journée. Bonne journée. Et bonne manifestation. Merci à vous aussi.